Ville d'arrêt d'histoire, Saint-Pierre. Je suis né au bord de mer, bienvenue à Saint-Pierre, la ville de Pierre. Saint-Pierre, je suis né au bord de mer, bienvenue à Saint-Pierre, la ville de mer. Saint-Pierre, si tu me crois pas, demande à ma mère. Demande à ma mère. Saint-Pierre, si tu me crois pas, demande à mon père. Demande à mon père. Saint-Pierre a été soufflé par la montagne pelée, couvert de sang et de poussière. Je suis né au bord de mer, bienvenue à Saint-Pierre, la ville de Pierre. Saint-Pierre, je suis né au bord de mer, bienvenue à Saint-Pierre, la ville de mer. Le sable noir, eau usinier, maillot mouillé, bonde à bomber, mes frères d'enfance, bisous puissance, c'est pierre la terre, le tout puissant. Ah bon. Olé les mains, martiniquais, moi et mes autres, les antillais. Dis les mounons, woumlan c'est à nous, woumlan c'est à nous, même fête là c'est à nous. Je suis né au bord de mer, bienvenue à Saint-Pierre, la ville de Pierre. Je suis né au bord de mer, bienvenue à Saint-Pierre, la ville de mer. Je suis né au bord de mer, bienvenue à Saint-Pierre, la ville de Pierre. Saint-Pierre, je suis né au bord de mer, bienvenue à Saint-Pierre, la ville de mer.